Le lendemain matin, régnait à Paris un de ces épais brouillards qui l'enveloppent et l'embrument si bien que les gens les plus exacts sont trompés sur le temps. Les rendez-vous d'affaires se manquent. Chacun se croit à 8 heures quand midi sonne. Il était 9h30, Madame Vauquet n'avait pas encore bougé de son lit. Christophe et la grosse Sylvie, attardés aussi, prenaient tranquillement leur café, préparé avec les couches supérieures du lait destiné aux pensionnaires, et que Sylvie faisait longtemps bouillir afin que Madame Vauquet ne s'aperçût pas de cette dîme illégalement levée. « Sylvie, » dit Christophe en mouillant sa première rôtie, « Monsieur Vautrin, qui est un bonhomme tout de même, a encore vu 2 personnes cette nuit. Si Madame s'en inquiétait, ne faudrait rien lui dire. Vous a-t-il donné quelque chose ? Il m'a donné 100 sous pour son mois, une manière de me dire « tais-toi ». Sauf lui et Madame Couture, qui ne sont pas regardants, les autres voudraient nous retirer de la main gauche ce qu'ils nous donnent de la main droite au jour de l'an, » dit Sylvie. « Encore, qu'est-ce qu'ils donnent ? » fit Christophe. « Une méchante pièce, et 200 sous. Voilà depuis 2 ans le père Goriot qui fait ses souliers lui-même. Ce Grigou de Poiré se passe de cirage, et le boirait, plutôt que de le mettre à ses savates. Quant au gringalet d'étudiant, il me donne 40 sous. 40 sous ne paie pas mes brosses, et il vend ses vieux habits par-dessus le marché. Qué baraque ! Bah, fit Sylvie, en buvant de petites gorgées de café, nos places sont encore les meilleures du quartier. On y vit bien. Mais, à propos du gros papa Vautrin, Christophe, vous a-t-on dit quelque chose ? Oui, j'ai rencontré, il y a quelques jours, un monsieur dans la rue qui m'a dit « N'est-ce pas chez vous que demeure un gros monsieur qui a des favoris qu'il teint ?» Moi, j'ai dit « Non, monsieur, il ne l'éteint pas. Un homme gai comme lui, il n'en a pas le temps. » J'ai donc dit ça à monsieur Vautrin, qui m'a répondu « Tu as bien fait, mon garçon. Réponds toujours comme ça. Rien n'est plus désagréable que de laisser connaître nos infirmités. Ça peut faire manquer des mariages. »